R.I.F. Stoplé. Taps. C'est le dirty quoi, c'est le dirty sens. On a le son qui tape et qui frappe. C'est le dirty quoi, c'est le dirty sens. Écoute, c'est le son qui va pas. Si tu baisses les bras, c'est leur fessé. Au max. On a le son qui tape et qui frappe. C'est le dirty quoi, c'est le dirty sens. Écoute, c'est le son qui va pas. Si tu baisses les bras, c'est leur fessé. Au max. On m'a dit lâche nous des punchlines, t'as le flow, la voix, puis les faces qu'on apprécie, j'précise, c'est son splash car j'aime casser le mic, trouver l'inspire au max pour une session. J'crache face à, comme à l'ancienne passe, j'rap tard, sans valentin taf, on va l'antenne passer, à l'antenne n'avancera rien car là j'crois que c'est l'enfer. Nous, on vient mettre des starts nuls, ouais j't'ai reconnu, c'est le 891 et le 893 en featuring, le mic passe au mur, là j'crois que j'vais choquer l'équipe, à quoi c'est stock l'électrique, ça passe pour chauffer l'équipe, donc casse-toi car on va exploser le vitre. Vous voulez que j'ralentisse, mais j'ai la cible dans le viseur, donc disons que celle-ci pleure car j'répands mes tripes sans le synthé. J'rappe pas à l'arrache sans tu, cavale ta fac sans tu, et que c'est gratuit car tu peux l'avoir sans thune. On a le son qui tape et qui frappe. C'est le dirty quoi, c'est le dirty sans écouter. Le son qui tabasse, si tu baisses les balles, c'est leur fessé. Au max. On a le son qui tape et qui frappe. C'est le dirty quoi, c'est le dirty sans écouter. Le son qui tabasse, si tu baisses les balles, c'est leur fessé. Au max. J'ai le mic comme un qui peut test, faut que ça pète comme un Gaza. Les MC sont agaçants et se prennent pour des incassables. Tu veux du lourd, tiens garçon, tu sais le rap, moi je tiens qu'à ça. Le mien n'est pas dans les magasins, tu veux le pécho, viens à la Gaza. J'mets les Gaza, chaque phase tu sens le tremblement. Je fais ça humblement et tu la prod par étranglement. Étrange, non, pas du tout, dans son bout je trempe le manche. Dans le fond rien de bien méchant, faut croire que c'est elle cordement. Fais gaffe, j'ai la gâchette facile, au max je pourrais te tirer dessus. Moi je reste avec le sourire, toi tu vas te tirer déçu. Y'a rien de fait à l'arrache, non. C'est au max prod à l'attaque, ouais. Dans rap on fait du rangement, donc normal que t'es le crack, mec. On a le son qui tape et qui frappe. C'est le dirty quoi, c'est le dirty sans écouter. Le son qui tabasse, si tu baisses les bras, c'est leur fessé. Au max. On a le son qui tape et qui frappe. C'est le dirty quoi, c'est le dirty sans écouter. Le son qui tabasse, si tu baisses les bras, c'est leur fessé. Au max. C'est White Wizzy baby, pas cash, mais du flow. J'sors le calage sur le track et puis je clash, tout c'est faux. Et quand je rappe, ouais c'est chaud, de Boston jusqu'en Kabylie. Je carbonise les mics un peu comme Ilan Halimi. Pas besoin d'alibi, quand j'arrive bas je fume une douche. Balance mes punchlines sur le beat jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus debout. Sur ma vie, pas de sujet tabou, y'a les chemins qui nous poussent à bout. Tu sais qu'ici c'est le Southside, mais c'est pas pour ça que j'me vois dans le hood. C'est pas Hollywood, chez nous on s'en bat les couilles. Donc ne fais pas le ouf, tu sais très bien qui ramasse les douilles. Yes, on devient pas millionnaire avec des millions de clics. Au max c'est l'équipe, Young Empire c'est la clique. On a le son qui tape et qui frappe. C'est le dirty quoi, c'est le dirty sans écouter.